Vendredi 26 juin 1915, quartier historique de Charleston, Caroline du Sud. Devant une foule de plusieurs milliers de personnes rassemblées pour rendre hommage aux 9 victimes d'un attentat raciste, le président Barack Obama chante le refrain de l'hymne Amazing Grace. L'audience suit ou répond. L'organiste place des motifs de soutien. Entouré de prêcheurs de l'Emmanuel African Methodist Episcopal Church, église fondée en 1816 par l'une des toutes premières dénominations noires indépendantes, où s'est déroulée la fusillade ayant emporté son pasteur, le sénateur démocrate Clementa Pinckney et 8 de ses fidèles, Obama reproduit les techniques de chant des prêches charismatiques, call and response, mélisme et ton aplati. La vidéo de la scène, coupée du reste de la cérémonie, est retransmise sur toutes les télévisions du monde et devient virale sur Internet. Son immense succès parvient à transcender partiellement les clivages politiques, religieux et raciaux. Amazing Grace conclut l'éloge funèbre par Obama et son appel à l'unité nationale face à cet acte terroriste dont l'objectif explicite, par le choix d'une figure et d'un lieu si symbolique, était de provoquer une réaction de violence et d'émeute chez les Noirs américains, visant à réaffirmer et renforcer les conflits raciaux des États-Unis. Obama profite de la circonstance pour encourager la révision des symboles culturels des anciens États esclavagistes, en appelant à décrocher les drapeaux confédérés sur les bâtiments publics de divers États, dont la Caroline du Sud. Dans ce climat de tension raciale, le choix par Obama d'Amazing Grace est particulièrement subtil. Cet hymne protestant, écrit à la fin du XVIIIe siècle par un capitaine négrier devenu abolitionniste après sa conversion, est étroitement associé à la culture noire américaine. Mais il appartient aussi au cœur du répertoire blanc. En 1934, John et Alan Lomax l'incluaient d'ailleurs à leur recueil d'American Folk Songs sous la catégorie de « White Spirituals ». Amazing Grace rapproche le président de la culture religieuse noire sudiste, sans pour autant l'y cantonner. On voit dans cet exemple l'efficacité de l'emploi d'un chant qualifié de « folk » pour établir simultanément l'appartenance à une identité nationale et à une identité communautaire. Cette efficacité n'est bien sûr pas intrinsèque, mais le résultat d'une construction culturelle, politique et historique, celle de l'American Folk Music. Amazing Grace. Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Clementa Pinckney found that grace. Cynthia Hurd found that grace. Susie Jackson found that grace. Ethel Lance found that grace. The Payne Middleton doctor found that grace. Tywanza Sanders found that grace. Daniel L. Simmons Sr. found that grace. Sharonda Coleman Singleton found that grace. Myra Thompson found that grace. Through the example of their lives, they've now passed it on to us. May we find ourselves worthy of that precious and extraordinary gift as long as our lives endure. May grace now lead them home. May God continue to shed his grace on the United States of America.